Des enfants, un parc d'attractions, un T-Rex OGM. Cette semaine, on a maté Jurassic World et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Jurassic World de Colin Trevorrow. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Super. Trop cool. À tes côtés, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Ça va Mickaël? Pas du tout. Je suis extrêmement triste. Moi aussi, je suis très triste. Je suis très triste que ce soit la dernière de 2 heures de perdu de la première saison. Ah oui, c'est vrai. C'est et vrai. J'en ai gros sur la patate. Hein. Et à tes côtés, Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça va Sarah? Très bien. Mieux que Mickaël? Oui. Toi, tu t'en fous que ce soit la dernière. Cette semaine, on parle de Jurassic World de Colin Trevorrow, sorti en 2015 de 124 minutes, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vince D'Onofrio, Omar Sy et Nick Robinson. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Voilà. Très bien. Alors tu as dit avant de lancer l'annonce que ceux qui ne se souviennent pas, en même temps s'ils l'ont vu il y a 15 jours, il y a peut-être un problème de mémoire s'ils ne se souviennent pas. Oui, alors, parce que peut-être que vous écoutez cet épisode en 2024, auquel cas Jurassic World est sorti depuis très longtemps, mais il s'avère que c'est une émission spéciale car le film est encore au cinéma au moment où on en parle. Et c'est ce pas dans nos habitudes. Et oui, c'est une première d'ailleurs. Une merde infinie. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. J'ai absolument détesté ce film. T'as vraiment détesté. Voilà. On va en parler début hein, de nos avis personnels, j'ai hurlé, j'étais foudrage. Je suis foudrage. Oui, parce que tu adores le premier Jurassic Park. J'aime beaucoup la licence. Et elle a été violée et ça me fait vraiment mal au cœur. T'es vraiment catégorique, hein, Lyon. Hein. Ah oui. Bah, écoute, moi, personnellement, en fait, on m'a tellement dit que c'était nul qu'au final, j'ai pas été si déçu que ça. Ah voilà, bon j'ai pas ça. Alors la différence avec vous, c'est que moi je l'ai vu sur un grand écran. Ah mais c'est peut-être ça en fait. Au cinéma et comment t'as fait avec la bibliothèque du coup? Je suis allé avec mon bibliothécaire pour qu'ils sont vraiment et sortir en DVD. Et du coup bon voilà, j'ai passé un moment, c'est passé relativement vite. Bon c'est beaucoup moins bien que le premier Jurassic Park évidemment. Mais j'ai aucun souvenir du deuxième que j'avais vu pourtant. Je suis pas sûr qu'il soit mieux hein, le deuxième. Hein. Mais j'ai juste trouvé ça inutile en fait. Enfin tu savais exactement ce que t'allais voir. C'est exactement la copie conforme du premier. C'était un peu. Moi j'ai trouvé ça affligeant. Honnêtement, j'ai du mal à regarder du début à la fin. Enfin, vraiment. Ouais. J'ai trouvé Grotesque. C'est un méchant dans un dessin animé, je comprends. Bah, Minus et grotesque. Et pour ma part, par contre, je tiens juste à passer une petite annonce auprès des auditeurs. Ça m'a coûté 15 balles quand même d'aller le voir. Donc j'espère qu'il y aura des dons. Hein, sur on a trouvé vos dons. Toi, t'es malin parce que tu dois prendre des notes au cinéma. Toi, tu vas le voir en 3D avec les lunettes. Tu vois toutes tes notes en double. Merde. T'as pris des notes au cinéma? J'ai réussi. Alors, je me suis mis au dernier rang, figure-toi, au tout dernier rang. Et je me suis aperçu que regarder un film au tout dernier rang, c'est bien en fait. Ouais. Okay. T'as pas mal de recul et c'est plutôt cool. J'avais un petit bureau, une lampe. J'avais mes lunettes infrarouges et ma lampe frontale, du coup. Voilà. qui résume l'histoire? Bah, original, hein, cette histoire. Hein. Il n'y a pas grand chose à résumer, vu que c'est. T'es sûr que c'est Greg qui a ça? C'est encore la même chose. T'as une île où ils ont mis des dinosaures, sauf que, il y a d'autres dinosaures, il y a des nouveaux dinosaures qui sont, il y a des dinosaures OGM, et puis voilà, forcément, le dinosaure il se barre, et puis voilà, et puis le parc il foire encore, ça fait la quatrième fois que le parc il merde, mais il y a toujours des gens qui y vont, tu vois. Donc c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est toi, Greg, qui fais les résumés derrière les jaquettes? Non, j'étais viré. Tu sais, genre à Jurassic World, le DVD, tu retournes. Encore une fois, c'est la quatrième. Non mais c'est incroyable qu'ils ouvrent encore un Jurassic Park. On sait que ça va foirer. C'est que c'est le parc tel qu'il était conçu à l'origine. En fait, c'est le parc qui existe vraiment et qui a vraiment ouvert. Oui, parce qu'il avait jamais ouvert. Il a jamais ouvert, en fait. J'ai pas vu le troisième, en fait. Je crois que le 3, il y a pas de parc. Je crois que le 3, le monde perdu, c'est dans une ville. Ah ouais. Ouais. Alors pas sûr encore, hein, ça, tout ce que je dis est potentiellement faux. Hein. Donc le film s'ouvre sur un départ, car ces deux enfants dont les parents vont bientôt divorcer. Alors oui, déjà, j'ai pas précisé que c'était encore copié sur les autres, c'est qu'on envoie deux enfants au casse-pipe. Quoi. À chaque fois, c'est les gamins qui trinquent, hein, c'est quand même fou. Ah, les parents divorcent et ils vont pas voir leur grand-père, ils vont voir leur tante. Mais voilà, tu vois, en fait, il a pris le scénario de Jurassic Park 1, il a remplacé des mots, il fait grand-père, non, tante. Ils ont mis un indien et un français aussi. Pour le coup, comme je l'ai vu au cinéma, le film il commence avant ou après la pub pour les œufs à la coque? Et donc le petit, il est dans sa chambre, il joue avec un jouet de 1986. Tu sais que personne n'a le truc pour faire défiler les images. On a très vite le cliché du petit génie. Oh là là, c'était pas déjà le cas dans le premier. Non, c'est faux, il a pas de lunettes. Non mais si, il y a toujours ce truc là dans le film. Je vois pas comment ça peut être un génie s'il a pas de lunettes. Enfin, au bout d'un moment, faut être cohérent quoi dans le film quoi. Bon, pour moi. C'est mon avis, hein, mais bon. Et il y a un truc déjà qui me fait marrer, c'est qu'ils vont voir leur tante, qui est la directrice du parc, on comprend pas trop, c'est quand même un énorme parc, on est d'accord, ça a l'air d'être trois fois Disneyland. Et ils arrivent, ils sortent du bateau, t'as un milliard de personnes, et il y a une responsable du parc avec une pancarte qui les attend, et eux ils font... Bah, elle est pas là, Tati. Bah, connard, Tati, elle est directrice. Elle a des choses à foutre. Ça va, elle peut emmener quelqu'un pour venir te chercher. Ça m'a fait rire parce que comme j'étais au fond de la salle pour voir le film, au moment où je voyais la nana avec sa pancarte, j'avais lu Jackie Michel. Je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que ça. T'es vraiment allé voir Jurassic World. Ça m'étonne que t'es bien aimé. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on apprend très vite que... Je pense que je suis tombé dans le seul cinéma érotique qui existe encore en France. La tante, ils la connaissent pas bien, en fait, quoi. Du coup, elle n'a rien à secouer des mômes, du coup. Enfin, bon, je peux comprendre qu'elle vienne pas aller chercher, quoi. On va faire un point Tati plus tard, mais... Enfin, c'est un petit peu la tante qu'on rêve tous d'avoir, un peu, hein, non? Enfin, si, en fait, tu vois, genre, déjà, il y a... Non, pas tout ça. Moi, non. Bah, en vrai, elle possède Disneyland. Et... Elle est à fond dans le marketing, le pognon, donc voilà, ils sont tellement en déroute de pognon qu'ils dessinent des super dinosaures hyper puissants pour qu'ils fassent super peur et on les appelle les Pepsisors, tu sais, parce que du coup c'est les marques qui présentent les dinosaures. On comprend très vite qu'elle a pas de valeur de famille. Non. C'est clair. On comprend très vite que ça va venir à la fin du film aussi. Ah, oui. Elle n'a pas de valeur de famille, elle ne considère pas les dinosaures comme des vrais êtres vivants. Voilà. Mais est-ce que les dinosaures ont une âme? Parce que ça, on n'a pas jamais ce problème. Il y a, pareil, tu vois, les petits, ils sont quand même un peu ingrats parce que, genre, Tati, elle est pas cool avec nous. Potentiellement, Tati, tu l'as pas vu depuis 7 ans, donc t'en as rien à foutre. Et demain, elle fait, demain, on ira dans la tour de contrôle et tout, ce qui est potentiellement l'endroit le plus cool du parc. Ils sont là. C'est genre... Enfin, en même temps, moi, ce qui me surprend, c'est que le gamin qui est un peu plus âgé, là, qui est en pleine puberté, qui mate toutes les gonzesses, tout ce qui bouge, il devrait être content quand même d'être accueilli par la babysitter, là. Mais pas mal, non? Bah non, il aurait préféré sa tante. Il aurait préféré sa tante. Ouais. Il ne connaît pas. Mais bon. Et alors là, il y a tout de suite un bail à l'américaine de famille, parce que un peu plus tard, t'as sa sœur qui l'appelle donc la mère des gosses. Et elle se met à pleurer au téléphone parce qu'elle s'occupe pas des elle gosses. Elle est ultra sensible. Mais ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Pourquoi elle se mettrait à pleurer alors qu'elle connaît pas les gosses à la base? Genre, ah, mais tu t'occupes pas des gosses. Bah, ça fait 8 ans que tu les as pas vus. Ça lui prend un coup et elle commence à pleurer maintenant, quoi. Tu vois. Et je suis directrice de ce putain de parc, bordel. Le petit, bon, enfin les gamins là, ils courent tout le temps, ils ne voient aucune attraction. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait que courir. Suis-moi. Il va dans toutes les attractions, il y va jamais. Ouais, moi je serais pas sûr. Au début, ils sont un peu sous surveillance aussi là par la sorte de nounou là qui leur ont filé et donc ils s'enfuient. Qui va mal finir d'ailleurs. Et ouais, malheureusement. Spoiler alert, elle va manger par un dinosaure. ce qui est une mort assez inhabituelle en fait. Dans Jurassic Park. Et en fait, il y a un moment, ils se font un hommage à Jurassic Park, c'est, tu sais, avec la musique. Tu sais, le petit, il est super pressé, il arrive dans la chambre d'hôtel, il court vers la fenêtre, les volets sont fermés, tu sais pas pourquoi. Il ouvre les volets, et là, t'entends la super musique, et y a pas de dinosaure, t'as juste un parc d'attractions en 3D. Waouh, ils ont réussi à reproduire un parc d'attractions en 3D, c'est dingue. Ouais, mais le parc, il est tellement énorme que les dinosaures, tu les vois pas, en fait. Ouais, mais du coup, c'est nul, enfin, tu vois, c'est plus un film sur un parc d'attractions. Franchement, le seul truc qui est un peu bien dans ce film, c'est quand même le concept du parc. Genre quand il y a l'énorme dinosaure qui sort de l'eau et après les spectateurs plongent pour le voir sous l'eau, les trucs comme ça. Il y a plein de bonnes idées au cas où un jour tu veuilles ouvrir un parc sur les dinosaures. Moi je voulais faire pareil sur les escargots, mais je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a pas trop évolué en fait. Les dinosaures, ils sont pas plus impressionnants que sur le premier quoi. Tu sais, tu vois le T-Rex ou tu dis ouais bah ok c'est un T-Rex. Bah, les effets spéciaux, quoi. Tu veux dire? Ouais. Ouais. Attends, il est en 4000K, il est en 4000K. Il est en 3D. C'est peut-être parce que je l'ai vu en screener. Mais bon, j'étais pas très impressionné. C'est le même screener, toutes les scènes de nuit, t'as rien vu quoi. Ouais, c'était un peu ça, un screener de base quoi. Alors, qui c'est le patron? Qui c'est qui domine le parc? Bah, c'est un Indien. Un Indien milliardaire. Ah, c'est un Indien, je pensais que c'était un Qatari aussi. Moi, je me suis demandé. Ouais, c'est un Qatari, non, c'est sûr que c'est un Qatari. Ah, ah ouais? Ouais. Et alors lui, bah, comme un Qatari. Mais non, c'est un Indien. Il est pas sans compter. Il a un accent indien. Je me suis demandé si c'était un vrai acteur indien qui était très populaire pour faire des chiffres, pour faire des bons chiffres. Ouais, sur, ah, le, moyen, sur ouais. Le coup, quand il apparaît, je me suis dit putain, cool, Jeff Goldblum. Et lui, c'est vraiment un milliardaire sympa. Son but, c'est vraiment que les gens s'amusent. Ouais, c'est pas l'argent, c'est pas le fric. Ouais. Ouais. Et que les dinosaures s'amusent. Ouais. Et tout le monde s'amuse. Tout le monde sera content. Et c'est marrant parce qu'à la fin de Jurassic Park, de 2 heures de perdu qu'on avait fait sur Jurassic Park, ouais. On avait fait, pas une boutade, mais sur le patron de Jurassic Park, le Attenborough, là, qui passait le brevet de pilote parce qu'il dépense sans compter. Et là, c'est exactement ce qu'il fait dans le film, l'Indien. Ce qu'il dépense sans compter. Et c'est pareil, à un moment, il va voir le turbo-dino, on va en parler plus tard, là, du dino OGM. Génétiquement modifié. Et tu vois, c'est vraiment un mec qui est là pour s'amuser, parce qu'il arrive devant tu vois, l'enclos, et il y a une grosse vitre en verre, et il y a une énorme fissure. Et il lui dit, ouais. Mais c'est quoi, là, ces fissures? Elle fait, ouais, elle tape dessus pour essayer de sortir. Et lui, il fait, ah, yes, j'aime ça. Bah, c'est hyper dangereux. Hein. Moi, je serais pas trop chaud. Hein. Tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'ils essaient de créer les créatures les plus monstrueuses pour mettre dans un parc, tu vois. Bon, alors qu'on sait que ça va pas bien marcher forcément. Ça risque de virer chocolat. Par expérience, ils pourraient savoir que ça allait virer chocolat. Et non, ils foncent quand même. Et alors, est-ce qu'on peut faire un petit point le dino OGM là? Oui, qui a été créé dans un laboratoire par un Chinois là cette fois-ci. C'est le même Chinois d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est le même acteur que dans le premier Jurassic Park. Ouais. Les castings internationaux. Il a l'air méchant. Ouais. Bah, y a tout. Hein. Y a un Chinois, un Indien, un Noir. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes les nationalités. Ouais. Ouais. Il y a même des dinosaures. Y a tout, quoi. Et le super dino, voilà, c'est un cocktail de. Ben, au début, on ne sait pas trop. DNA, quoi. C'est un T-Rex, ils disent, avec d'autres choses, en fait, mais ouais. On ne sait pas vraiment quoi. Alors, il est croisé avec plein de trucs, et à chaque fois qu'il est croisé avec un truc, il récupère la plus belle qualité. Ouais. Voilà. La plus dangereuse. Pas de chance. Chance, parce que s'il avait chopé la plus mauvaise, ça aurait pas un T-Rex boiteux, quoi, tu sais. Ouais, il miaule parce qu'il est croisé avec un chat. Mais il fait que dormir, ouais. Là, ça apparaît. Il croise avec un ours blanc, donc il dort 6 mois de l'année, quoi. Puis qu'est-ce qu'il bave, hein, sur son côté escargot. On aurait pu en trouver. Il a quand même vraiment une grosse coquille. Ah, oh, il a laissé traîner le génome du bulot. Et alors, un truc tout de suite qu'on dit, c'est que quand tu fais trop de cocktails d'OGM, ça fait une créature... Bien. Non pas trisomique, non, ça fait une créature cruelle. C'est-à-dire il avait un jumeau, il l'a mangé, tu vois, tu sais, c'est-à-dire que c'est tout de suite, c'est limite s'il n'est pas dictateur en Afrique, il a un crime contre l'humanité, quoi. Tu vois, il a tout de suite tous les trucs les plus méchants. Et alors le héros, lui, c'est normal. Non mais ce qui est génial, c'est que ce dinosaure, non seulement il est cruel, mais il est très intelligent. C'est ça qui fait la différence avec le T-Rex. C'est le T-Rex, c'est juste il est super intelligent. T-Rex. Il a d'ailleurs, il a une maîtrise en lettres modernes. C'est spécifique à un moment. Mais il a pas eu son examen de droit par contre. Mais là c'est pareil. Alors après, je sais pas si c'est la version que j'ai regardée. Mais on le voit pas beaucoup. Enfin, moi, j'arrivais pas à dire la scène de fin. Je voyais pas la différence avec le T-Rex en fait. Ouais, enfin, moi, c'est pareil, j'étais perdu. Bordel total. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, ça ressemble à un gros T-Rex quoi. Ouais, ça ressemble à un T-Rex avec des espèces d'épines dans le dos. Mais à un moment, ils disent qu'ils auraient pu lui mettre un petit chandail. Ah oui, ça j'ai pas compris. Un chasuble pour le différencier. Des écharpes d'Auxerre. Et le héros, il le voit même pas de la cage. On lui explique juste les trois bails. Genre, il a mangé son jumeau et il vit là dans cet enclos. On a affaire à la créature la plus dangereuse de l'humanité. Mais tu l'as pas vu, ça se trouve, il fait 3 mètres. Bah, c'est surtout qu'on se dit que c'est bizarre qu'ils aient prévenu personne avant d'un peu spécialiste, parce que le mec, il arrive, il dit « Ah ben, quelqu'un dans un enclos toute sa vie, c'est ultra dangereux. » Et oui, tout, et la fille, elle fait « Ah bon ?» Alors, il y a pas mal de manquements au bien-être de l'animal, parce que déjà, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes son environnement, en fait, il y a que des arbres qui sont espacés de 30 cm, alors que le truc, il fait 2 mètres de large. Et son enclos, il a l'air minuscule, quoi. C'est clair, ça a l'air minuscule, ouais. Bah, c'est pour ça qu'il est énervé. C'est hein. pour ça qu'il n'est pas content. Bah, je comprends. Alors, le héros, c'est un dompteur de vélociraptor. C'est pas mal ça. Ouais, c'est un dompteur c'est de vélociraptor. C'est un ancien soldat aussi. Non, c'est un ancien footballeur, c'est David Beckham. C'est le pote d'Omar Sy. Omar Sy. Ouais, ah oui, d'ailleurs, Omar Sy, le frère de Chris Epilep. Ah bon? Pas compris. Chris Epilepsie. Ah. Je ne l'avais pas. Je commence avec Laurie Lafont, je finis avec Chris Epilepsie. Je trouve que. T'es bien. Ouais, il a un don, il a un petit don, hein, parce que y a le gars là qui tombe dans la fosse au vélociraptor. D'ailleurs, en fait, le mec il fait déjà une chute de 7 mètres, c'est déjà un miracle qu'il survive. Il survit, ouais. Il tombe sur le dos, il se passe rien, genre hop, il se relève. Et là, il y a le dompteur de vélociraptor qui arrive et qui empêche la mort. Il domine la mort, il domine grave. Ouais. Et en plus, ça m'aurait vraiment fait chier parce que c'est le chanteur de Talk Talk qui tombe. Vous voyez pas à quoi il ressemble? Non. On voit vos visages que vous ne voyez pas. Bah non. Là, vous irez voir un chanteur de Tolto, que c'est on dirait ce personnage. Toi, depuis Hacker, tu nous parles que de trucs qu'on connaît pas. Non, et puis on voit dès le début, et puis ça va être là pendant tout le film, ce lien entre l'animal et l'homme, entre le héros et ses raptors, c'est ouais. assez beau, c'est alors, assez émouvant. Lui, il est dans le respect, lui, il a des valeurs. Lui il a des vraies valeurs. Ouais. Ouais. Ouais. Il pense vous avez remarqué qu'il est dompte, aux castagnettes? C'est des raptors andalous en fait. C'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les scènes où tu vois, il y a un moment, il se retrouve tout seul dans l'enclos. Il a un vélociraptor en face de lui, un de chaque côté. Un derrière, donc il est potentiellement dans la merde. Il tend les bras et fait Wow, calme-toi. Mec, t'es à poil. Hein. Ils font deux fois ta taille, ils peuvent te becter en une seconde et tu leur parles en américain. C'est limite, il fait she's American. Non, mais c'est limite. Moi, au début, en fait, il domptait tellement les vélociraptors que je me suis dit, non, mais la scène de fin, ça va être l'enfer. Il va rider un vélociraptor dans la rue. Et en fait, ça s'est pas arrivé. Je me suis dit, ouais, c'est limite, il les suit en moto. Ouais, ça. J'ai cru qu'il y avait un vélociraptor dans un sidecar de moto. Là, on accroche le sidecar au vélociraptor. Et à un moment, ça m'a fait trop marrer parce que la meuf, elle va le voir dans son campement, la tati cupide. Oui, elle va le voir dans son campement. Et le mec, en fait, il est là depuis 3 générations. Il a une espèce de vieille caravane. Il répare une moto old school. Tu sais, genre, il a un garage. Pour montrer que c'est un beau mec viril, il le montre en train de réparer une moto. Samy Tabor, heureusement qu'elle n'est pas passée, il faisait de la GRS. Hein. Il faisait du ruban. Et du coup, il y a des petites bails sexuelles entre les deux. Vous avez créé un nouveau dinosaure? Oui, c'est un peu notre travail. Il sera présenté au public dans 3 semaines. Et M. Nazrani m'a demandé de vous consulter à ce sujet. Tu me consultes ici ou dans mon bungalow? C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On voudrait que vous inspectiez l'enclos pour déceler d'éventuelles failles. Pourquoi moi? Je suppose que M. Nazrani, vous sachant capable de contrôler des raptors... Ah, tu vois, t'as que le mot contrôle à la bouche. Je ne contrôle pas les raptors. C'est un lien qui s'établit, qu'un respect mutuel rend possible. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de deuxième rencard. Attends, excuse-moi, j'ai jamais souhaité qu'il y en ait un autre. J'ai l'idée d'imprimer un planning pour une soirée à deux. J'aime l'organisation, c'est mon droit. N'importe quoi. C'est les voix françaises ou québécoises là, parce que non, c'est française. Ouais, c'est insupportable, hein. Je suis content d'avoir vu en VO. Ça, c'est toujours bien pour le téléspectateur débile quand même, c'est de bien dire qu'ils ont déjà eu un date, au cas où on n'aurait pas bien compris qu'il allait peut-être se passer quelque chose entre eux. Bah, moi, j'étais étonné à la fin quand il l'embrassait. Quand il l'embrassait, putain, je m'y attendais pas. Hein. Moi, je pensais qu'il allait se taper un vélo, moi. Le tirateur. Alors moi, et donc elle vient chercher ce gars. Moi, je trouve ça super marrant parce qu'elle l'emmène voir le T-Rex qui est censé être blanc mais qui est pas blanc. Non, d'ailleurs, oui, exact. Ils disent qu'il est blanc en fait. Oui, mais on apprend qu'il peut changer de couleur quand même. Ah bah oui, c'est vrai. Ah. Et donc elle l'emmène dans cet enclos et le mec, il a des gènes de, tu sais, les Hot Wheels qui changeaient de couleur. Dans le et le mec, il bosse là depuis je sais pas, depuis une quinzaine d'années. et il vient d'apprendre qu'ils ont fait un dinosaure, quoi, tu vois. Donc c'est vrai. Et surtout, et sa réaction, c'est alors comme ça, vous faites un nouveau dinosaure. Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Et du coup, on va dans mon bungalow. Putain, mais c'est ça vos réactions, les gars. Et on le consulte en sécurité juste à ce moment-là, alors que la sécurité, elle est vraiment nulle sur ce dino. Et le mec, il tombe et dit ah bon ? Ah bah voilà, y a tout un enclos que j'avais jamais vu, qui était sûrement caché dans la brousse. Donc c'était un peu marrant. Genre, le mec, il tombe un peu de nu. Et là, c'est le drame. Alors, est-ce que juste avant le drame, on peut faire un mini point parc ? Est-ce qu'on a un parc qui sonne aussi peu parc d'attractions que ce parc-là ? Il y a plein de gens partout, il y a l'air de ne pas avoir tant d'attractions que ça. Et surtout, tous les petits sont comme des dingues avec des images avec des dinosaures sur les murs. Et surtout, les attractions, genre, au lieu d'avoir par exemple des petites barques dans un lac, en fait, tu vas rider des petits dinosaures, quoi. Ouais. Mais genre, dans un zoo, tu montes pas sur le tigre. Non, mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est de l'esclavage total. Enfin, c'est vrai. Ça rapporte. Hein. C'est la loi du marché. Genre, c'est hyper dangereux. À un moment, il y a un truc, genre, justement, dans un lac, là, tu vois une attraction, c'est des mannes qui font du canoë et tout. Et à côté, il y a des énormes dinosaures. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas mettre un coup dans ton canoë, ouais. Tu vas te démonter, quoi. Bref. C'est vrai, tu ferais bien contacter la commission de sécurité, ouais, t'as peut-être raison. Bon, début des bails, parce que il va justement, le beau gosse, là, il va inspecter l'enclos, là, et il y a des petits problèmes de sécurité, quand même. Hein. Ouais. Déjà, le dinosaure se manifeste pas, donc il se demande où il est. Il est plus là, enfin, il a l'air... L'enclos, il semblerait qu'il soit plus là, mais... L'enclos, il est gardé par un gros mec, hein, tu sais, Larry, qui a une chemise bleue, genre limite, il sort d'un centre commercial. Qui mange des chips. Ouais, parce que Homer Simpson, un peu, quoi. C'est clair. Et c'est le seul mec qui doit s'en occuper, quoi. Si il est là, vous dites, ah bah non, j'ai rien noté. Il y a des énormes traces de griffes en face de lui. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Hein. C'est bah mec, tu dormais quoi. Même en dormant, moi je dors pas. Le truc, tu imagines la bestiole qui est à côté quoi. Alors du coup, on sait que le dinosaure est très très intelligent, donc apparemment il aurait fait semblant de sortir alors que les gens rentrent à l'intérieur. Il a vraiment griffé le mur pour faire croire qu'il était sorti. Ouais. Il a quand même une intelligence hors du commun et en plus il arrive à enlever sa chaleur corporelle parce que les ordinateurs ne le repèrent plus quoi. Ouais. Alors, ça c'est complètement incohérent. Mais ça c'est encore à cause d'un gène. Avec une grenouille ou un truc comme ça. Il fait quoi? Non mais même, tu vois, je veux bien admettre qu'ils sont intelligents, tu sais, genre qui l'attendent quoi. Mais genre qu'ils comprennent. Bon, ils ont un détecteur de chaleur, donc là il va vraiment falloir que je la joue. C'est complètement impossible quoi. Donc en gros, il fait des traces de griffes, donc tout le monde pense qu'il est sorti de la cage. Parce qu'il... En fait, ça c'est son côté croisé avec un chat en fait. Il fait ses griffes sur les rideaux quoi. Je l'imagine dans sa cage la veille. Bon, je me fais chier, demain je vais faire un plan, d'abord je vais faire les traces de griffes, après je vais baisser ma température. Ils vont arriver et bam, là je vais les bouffer. Tu sais, ils ont trouvé un plan de Bibi Pécoyote, tu sais, un grand plan bleu dessiné en plan, tu sais, avec des petites flèches, griffures. Et donc voilà, ils préparent son évasion, donc du coup eux ils voient les griffures. L'Alcatraz. c'est ça, les évader quoi. Et du coup, ils descendent dans la cage parce qu'ils voient les griffures, ils disent il est plus là. Et du coup, en fait, il est encore là. Il est encore là. Ouais. Donc, au lieu de re-rentrer, au lieu de sortir de la cage par l'endroit où ils sont arrivés, sans doute une petite porte, là, il décide de sortir par la très grande porte qui lui permette à lui de sortir. Après, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et puis, pauvres humains. Ouais. Et alors là, ça vire totalement chocolat. Voilà, ouais. Et là encore, il y a un problème, c'est qu'en vrai, ce truc-là sort, il désingue tout, ou il s'enfuit en courant. Il ne s'arrête pas direct dès qu'il y a un humain sous une bagnole à faire. Ouais, mais en même temps, c'était déjà un petit peu le cas dans le premier. Ouais. Ah oui, mais c'est le cas. Ouais, mais évidemment. Dans le premier, ça passait. Non, dans le premier, t'avais 8 ans. C'est pour ça que ça passait. Oui, mais ça passait. Là, c'est insupportable. Et on explique pendant tout le film qu'il a croisé aussi avec un serpent. Donc en fait, lui, il voit la chaleur. Donc en fait, il bouffe à la chaleur. Et dès le début du film, il y a un truc hyper malin. C'est-à-dire que le héros, il est sous une bagnole, il va se faire bouffer. Et il se met plein d'essence pour puer l'essence. Ouais, ouais. Bah ouais, mais bon, il voit la chaleur, donc à la limite, il te sent plus, mais il voit ta chaleur. Donc là, c'est quand même branle-bas de combat, parce qu'ils envoient le GIGN du tyrannosaure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une équipe qui est là, qui est surarmée. Globalement, pour pas le tuer, c'est complètement débile. Pour pas le tuer, ils les envoient avec une bombe lacrymo. Voilà, avec un exomile et un verre d'eau. ils ont des flashballs, le machin, ça fait 30 mètres. Non, mais c'est pas juste ça, c'est qu'en plus, ces gars-là, ils sont équipés d'un électrocardiogramme. Ah, hein, oui. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Et pour savoir, mais c'est-à-dire que ces gens, on court à la catastrophe, on sait. Et on leur met un électro, comme ça on sait quand est-ce qu'ils vont mourir. Donc on sait qu'ils vont mourir. Et t'as encore cette phrase, tu sais, genre les mecs quand ils y vont, t'as le héros qui est à la tour de contrôle et qui fait vos hommes sont déjà morts. Oui. Comment tu le sais? Tu sais, t'en sais rien, peut-être qu'ils sont super entraînés, tu les as jamais vus, t'étais jamais pas au courant que les dinosaures existaient. Ils sont très prévoyants, hein. Ils anticipent tout parce que t'as vu, je sais pas si tu vois, il y a une scène où la meuf, elle déplace la poubelle avant que son employé fasse tomber son gobelet de café. Ouais, c'est l'oracle dans Matrix. Elle lui file un cookie d'ailleurs après. Non mais moi j'ai trouvé ça bizarre, tu vois, au niveau de la sécurité, de mettre une petite armée comme ça et pas mettre genre tiens un espèce de truc, un collier, je sais pas, un collier comme un Doberman au T-Rex ou un truc qui fait que tu peux vraiment l'immobiliser ou lui foutre une bombe dans le vide ou j'en sais rien, un truc qui est radical quoi. Surtout ils lui ont mis à la naissance, comment il s'en souvient le truc? Ah oui, l'émetteur, il lui ont mis à la naissance, exact. On dit pas où il est, mais ça se trouve c'est galère, c'est dans le cou, faut se l'enlever quoi, tu vois. Ouais, il est vraiment très malin. C'est limite s'il a pas reprogrammé le parc. Mais en plus c'est de la génération spontanée parce que lui le seul truc qu'il connaît c'est des arbres, donc il a tout, il a tout compris tout seul quoi. Je pense que je me demande s'il a pas été aussi un peu croisé avec le gros dans Jurassic Park. Ce qui expliquerait sa taille finalement. Ensuite t'as les boules. Ouais. Ah, les boules, ouais. Les boules. Déjà, c'est les momies courent déjà partout, là. Ouais, alors ouais, Les boules, donc les pieux, ils vont en boule, donc dans la file d'attente. Pourquoi tu pleures? Ouais, parce que maman et papa, ils vont divorcer. Ça te fait chialer? Ouais, ça va. Tu peux être cool avec ton frère. Tu vas te faire bouffer trois fois par un dinosaure, donc t'as à avoir le cœur bien accroché. Et c'est Raphaël Nadal qui s'occupe de l'attraction des boules, je sais pas si ça a remarqué. Et là, donc les petits, donc évidemment, donc les deux gamins montent dans l'attraction. En fait, faut expliquer, c'est une boule qui ressemble un peu aux boules dans lesquelles on met des hamsters, en fait, pour les faire courir. C'est des boules transparentes en verre blindé, je sais pas quoi. Mmh. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle roule d'une fluidité hallucinante. Oui. Ça roule dans ce regard. Alors c'est que... pas mal, ce truc. Et puis c'est pas sur des rails ou quoi que ce soit. Non, c'est pas sur des rails. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que globalement, dans la réalité, je pense qu'au bout de 5 minutes, t'es embourbé dans la boue, tu vois. C'est clair. Non, mais en plus, ça doit se couler, là, ça se coupe pas du tout. Ouais, ça se surtout, si ça roule, ça doit prendre la terre, c'est-à-dire que tu vois plus rien. La vitre, elle est dégueu. Et surtout, c'est en maxi-pente, enfin, tu peux pas remonter. Et surtout, oui, putain, c'est une attraction, il y a l'air d'avoir 20 000 personnes dans ce putain de parc, mais tu dois faire la queue 9 heures. Le mec, il prend la boule, il revient pas, tu sais. Ah oui, c'est vrai, parce que t'es autonome. T'es resté dans la boule, ouais, mais j'ai fait 2 heures de boule, moi. Et là, quand même, une fois que t'as payé le voyage au Costa Rica, juste l'entrée du parc est super chère, tu peux rester dans ta boule un moment, quoi. C'est vrai que c'est pas donné l'entrée hein, du parc. Hein. Et là, il y a un truc qui me fait. Vraiment, c'est le parc 2.0, tout est super automatique et machin. Par contre, on dit, ouais, bon, les boules, c'est fermé. Il y a aucun système de sécurité qui oblige les boules à revenir. Et là, et t'as Raphaël Nadal qui est tout seul, et t'as plein de gens qui font l'accueil. Il fait, c'est fermé, je suis tout seul, les gars. C'est quoi, t'es tout seul, mais c'est vachement dangereux quand même. Et là, Il y a une Jurassic Park, une vraie Jurassic Park, c'est que les deux petits, ils sont dans la boule. Ouais. Et là, ils font « Mais ils sont où, les dinosaures ?» Et là, la caméra se retourne. Et là, il y a 250 dinos de 30 mètres de haut à 360 degrés autour de terre. Comment tu ne les as pas vus, quoi? Et là, les gamins, on leur dit de ramener la boule. Ouais. Et là, le grand frère qui faisait la gueule depuis le début du séjour commence à s'amuser et a la bonne idée de dire « Bah, allez, on s'en fout, on continue, quoi. » On fait du hors-piste, quoi. Ouais. Ah, c'est le bon moment. C'est, bravo. Voilà. T'as une énorme porte qui est cassée, qui a potentiellement été cassée par un dinosaure ultra vénère. Ouais. Et du coup, ils décident d'y aller parce que c'est cool, quoi. Ouais. Et en fait, les dinosaures, c'est dangereux. Donc, ils vont croiser le super dino qui va faire du bowling avec leur boule, là, parce qu'il va la choper. Enfin, il voit déjà 4 vélociraptors. Ouais. Alors, un peu ridicule, d'ailleurs, cette scène, parce qu'en fait... le grand frère dit au psy, regarde, il y a 4 dinosaures là, un peu en panique. Et l'autre dit, non, il y en a 5. Et en fait, il a vu le reflet du gros dinosaure qui est derrière la boule. En fait. Donc, au lieu de flipper, il joue avec son frère, quoi. Tu vois, en vrai, putain, mais merde, t'as rien. Et donc là, voilà, donc là, il mange la boule de verre. Les petits arrivent à s'enfuir. Ouais, ils s'en sortent bien. Hein. Ouais, ils s'en sortent pas mal. Ah, bah, ils plongent, ils font une. Ils arrivent. 40 mètres. Alors, la chatte totale, c'est-à-dire qu'il y a une cascade de 40 mètres. Ouais. Ils sautent dans l'eau. Donc, ils ont rien. Ouais. Et ils sortent de l'eau. Et là, ils font on a bien géré quand même de sauter. Ah, bravo. Hein. Mais moi, je serais en train de pleurer dans l'eau. Enfin, déjà, je pense que je serais déjà mort. Tu vois, non, mais je pense que déjà, à partir du moment où t'as un tyrannosaure qui te prend dans sa bouche quand t'es dans une bouche, je pense que déjà, tu fais une crise cardiaque. Quoi. Non, mais ça a l'air de moins le perturber que le divorce de ses parents, par contre. Ensuite, alors, la tante, elle est avec le beau gosse et faut aller sauver ses neveux. Parce que elle sent, tu vois, c'est la famille, c'est les valeurs, elle sent qu'il y a une déroute. Là, il y a un truc qui m'a fait trop marrer, c'est « Ouais, il faut aller sauver mes neveux. » Et là, le mec, il fait « Ils ont quel âge, tes neveux ?» J'en sais rien. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et là, il dit « Tu connais pas l'âge de tes neveux ?» Mmh. Alors... C'est genre « Les valeurs !» Ouais, parce que Tata, elle est pas sympa hein, quand même. Hein. Elle est pas sympa, mais elle va devenir sympa. Il suffit, oui, bah, de, oui, il suffit d'une petite après-midi de gros. Il suffit juste qu'elle, qu'elle desserre son chemisier en fait. Puis qu'elle frise ses cheveux. Quoi. Ouais, qu'elle remonte un peu ses libards. Cette scène, j'ai pas compris. Et donc, ils arrivent. Elle est quand même en talon du début à la fin hein, du film. Hein. J'ai à préciser quand même. Oui. Ouais. Bah, elle court bien, bien avec. Hein. Mais elle doit avoir des protèges chevilles, c'est comme les footballeurs avec des protèges tibias, je pense. C'est une, ouais. Et là, c'est le début du rapprochement entre les deux. Ils sont déjà rapprochés, mais bon, ils se retrouvent un peu. Surtout dans une des scènes que je crois j'ai préférée. Ils arrivent et en fait, ils se rendent compte que le méchant dinosaure tue tout ce qui bouge. Et ouais. Ils arrivent au chevet d'un truc d'un à au long cou, là. Et oh, en fait, là, c'est beau parce que lui, il s'approche. Voilà, ouais, il aime les dinosaures. Ouais. Et elle, là, on sent qu'elle commence à comprendre qu'elle a fait des conneries. Est-ce que c'est que la vie... Et surtout, il passe 20 minutes sur le cadavre, ouais. Et ensuite, il est vraiment triste parce qu'il y a un mort. Il lève la tête. Il y en a 30 autres. Et c'est là qu'ils se disent, cette saloperie tue pour le plaisir. Ouais, ouais. Exactement. Parce que il tue pour le sport. Il ne les mange pas. Non, il ne les mange pas, il les prend par les pieds. Il attend que le sang monte au cerveau. Non mais en fait il fait du trafic d'armes, il fait du trafic de peaux de dinosaures et tout, il est tellement intelligent. C'est... Et là ils suivent les traces des gamins, ouais. Et donc ils voient, alors je sais pas comment, il y a de la boue partout, mais bon ils font, tiens mais non regarde ils sont pas morts. Ils sont passés par là. Ouais, ils disent pas il a été bouffé, non regarde des petites traces de pieds là, donc ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Ils arrivent à la falaise, et là elle fait, ah ils ont dû sauter dans l'eau, je le savais. Oh bah c'est bon. Non, ce qui est marrant c'est qu'en fait elle trouve le téléphone portable cassé. Et elle sait que c'est eux. Elle sait que c'est eux, ouais. Mais elle sait surtout que le téléphone portait avec la sienne, donc elle se met à pleurer parce que c'était quand même le dernier Samsung. Et là, ensuite, on arrive sur les vestiges de Jurassic Park. Oui. Ouais, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, ça, c'est pas mal. La question, c'est le petit, il sort de l'eau. Bon, je pense qu'il a dû comprendre que dans l'eau, il était quasiment invulnérable puisque le dinosaure, il a pas l'air de pourchasser. Il décide de marcher dans la forêt sans but précis. Ouais, c'est une bonne solution de déambuler dans une forêt, surtout la nuit, quoi. Tu vois, quand tu viens de te faire tuer, que t'es traqué par un dinosaure. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont très dégourdis quand même, les gamins, parce que là, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils trouvent une vieille Jeep comme dans les premiers Jurassic Park. Tout marche encore. Et le grand lui dit, ah, tu te souviens quand on a réparé la voiture de papy? Bah, c'est ah ouais, pareil. Génial, on va faire pareil. Et il répare la voiture. En 10 minutes. Ouais. Il n'y a pas de problème. En plus, ils font la vidange. Ils n'ont pas de problème d'essence, pas de problème de batterie. Ils ont siphonné deux, trois réservoirs pour remplir le leur. Moi, j'ai fait réparer la clim. Et puis, il conduit bien quand même, hein, non ouais. Mais il dit qu'il a raté son permis, mais il a appris. Ah tout. Ouais, mais il a 16 ans ouais. Du coup. Ouais. Ouais. Donc eux, ils se barrent en Jeep. Et là, les adultes, ils arrivent juste après. Pas de bol. Pas de bol. Au même moment que le gros dino. Et voilà. Et le gros dino, il arrive. Le gros dino, il a son détecteur de chaleur, mais il marche pas non plus. C'est-à-dire que ce truc-là de la chaleur, ça marchait bien, mais pas trop, parce qu'en fait, il les bouffe pas. Mais... Et là, il y a la scène de l'Indien en hélico. Ah, c'est à ce moment-là. Ah, ça fait rire, un Indien qui meurt en hélico. Bah, le mec, il part, voilà, il dit, je vais tous vous sauver et tout. Enfin, je vais prendre les choses en main. C'est moi qui ai le parc. Il faut que j'y aille. Allez, j'y vais, je prends l'hélico et on va lui tirer dessus. Et en fait, il se fait défoncer par des ptérodactyles là en deux minutes, quoi. Enfin, vraiment. Par voilà. Des oiseaux dinosaures, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On n'est pas tous nés en 1980. Tu t'intéressais aux dinosaures hein, à l'époque. Hein, T'as le nom latin, non? Ptérodactylus, hein. Franchement, je pense que tu peux l'attenter. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le gros dinosaure s'introduit dans la volière, donc il casse la volière. Visiblement, c'était du verre pas très très pas solide. De très bonne qualité. Donc les oiseaux auraient pu se barrer. Et du coup, tous les oiseaux, tous les dinosaures oiseaux se barrent et c'est le massacre. C'est le massacre. Bah, ils se jettent sur tout ce qui bouge. Donc ensuite, c'est la déroute totale. Fermez la porte. Attendez, je les enferme. Fermez tout de suite. Que quelqu'un m'explique, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très français que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui se passe. Que quelqu'un m'explique qui c'est qui domine. C'est un peu pareil, hein. Grave. Donc là ensuite les gamins ils arrivent en Jeep près du je sais pas un an, tu vois les portes du parc. en hurlant. Et là, il y a deux gardes qui font. Qu'est-ce qu'on une, fait une Jeep. Là, c'était complètement. Enfin, c'était nul. C'est à quoi c'était absurde. C'était nul. Et en fait, ce qui me fait vraiment marrer, c'est qu'ils arrivent tous les deux en déroute, en Jeep, à un endroit, on ne sait pas où dans le parc. Le plan d'après, ils sont avec leur assistante. En plein milieu du parc, avec les oiseaux. Non, mais là, il y a un raccord qui va pas du tout. C'est-à-dire, comment ils ont trouvé l'assistant? Ouais, mais enfin, pour la petite anecdote, il paraît qu'ils ont coupé des scènes. Ah ouais? Non, j'en sais rien. Bah, c'est forcément le cas, mais là, c'était vraiment, vraiment grossier. Ouais, quoi. Ouais, là, c'est. Ouais. Donc là, l'assistante va prendre Taro. Je pense qu'elle va se faire manger par à peu près 9 dinosaures. Elle les a tous fait, en fait. Ouais, il fallait contrer toutes les races. Un petit roast beef comme ça. Et parce qu'elle est anglaise, effectivement. Ouais. Et voilà. Et la tante va retrouver complètement aléatoirement au milieu d'un parc de 20 000 personnes ses deux neveux. Coup de chance. Parce qu'au moins, elle va pas se faire engueuler par sa sœur, quoi. C'est ça. Et elle a pas l'air d'être très affectée par la nounou, hein. Enfin par la mort de la nounou, hein, visiblement la tante. Hein. Ouais. C'était son assistante préférée. Ouais, mais là, elle commence à avoir des valeurs familiales. On peut pas trop lui en vouloir, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit peu de castagne, hein, enfin là, il y a attaque de ptérodactyle et bon, ça se joue au fusil à pompe. Hein. Ça fait plaisir de, tu vois, ils s'en prennent un peu dans la gueule aussi, quoi. Faut manger, hein. Et le gars, c'est ça qui est marrant parce que lui, il tue un ptérodactyle et deux secondes après, tu sais, il se soucie de rien. C'est-à-dire qu'il y en a toujours plein autour de lui, mais plus personne le touche. Et puis il prend le temps de faire un petit bisou et il s'inquiète pas parce que, en fait, et après, il va voir les enfants et les enfants, ils font ouais, Tati, t'exagères. Non, mais ça va, il y a encore les ptérodactyles autour de vous, là, vous allez vous faire démonter, hein. Genre, t'en tues un, tu sais que t'as 10 minutes de répit, c'est toujours comme ça, quoi. Bon, un peu bizarre. On n'a pas parlé de lui, mais il y a le vrai méchant, celui qui est le mercenaire pour la sécurité privée, parce que ça, c'est vraiment un bail des années 2010, la sécurité privée. Et lui veut vraiment créer des soldats vélociraptors. Il veut s'en servir comme arme de guerre. Alors, pour l'instant, ce que le mec arrive à faire, c'est limite, tu vois, c'est comme un tic, c'est-à-dire que tu leur donnes trois bouts de steak et ils sautent dans des cercles de feu dans cirque. Vous avez remarqué là, il veut en faire des soldats, quoi. Quand il les nourrit, les vélociraptors au début du film, en fait, à chaque fois qu'il lance un bout de viande, le vélociraptor sait à qui il est destiné le bout de viande. C'est-à-dire qu'ils se battent pas pour. C'est les raptors communistes, en fait. Ils se battent pas pour les bouts de viande, quoi. Surtout, il leur file des mini-souris, tu vois, ouais. ça doit bouffer des vachettes entières, quoi. Ouais. Donc là, il a une super bonne idée. C'est de lancer les raptors à la poursuite du méchant dinosaure. C'est ça. Alors, le but final de cette société de sécurité privée est incompréhensible. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout compris leur bail dans le parc avec le chinois, avec le machin. On ne sait pas du tout. C'est vrai que c'est pas du tout. Parce que ça a l'air de les arranger qu'il se passe ça, mais en même temps, c'est complètement indépendant de leur volonté. Et puis, il prend le pouvoir, et puis en fait, il ne prend pas le pouvoir, et puis en fait, on comprend que dalle. On comprend pas, ouais. Ouais, tout à fait. Et là vient le point quand même question, c'est pourquoi on évacue pas le parc en fait, et pourquoi on l'a pas fait avant. Il commence à l'évacuer. Bah, c'est un processus plutôt lent. Hein. Ouais, bah, c'est sur une île pour le bateau. C'est sur une île, oui. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ouais, mais il y a pas de bunker, il y a pas de machin. Bref, c'est pas très malin. Ah non, mais de toute façon, on est au niveau sécurité, c'est zéro. Hein. De toute façon, on est tous d'accord pour dire qu'au niveau de la sécurité, le parc, ça. Ah, franchement, on s'est mis d'accord avec Greg et ça va pas du tout. Alors ça va qu'ils prennent les chèques vacances, donc du coup tu peux y aller. Mais... Au début du film, il se retrouve tout seul avec trois vélociraptors et on sent que ça va virer chocolat parce qu'il domine à mort et c'est hyper hyper dangereux. Au milieu du film, ils se disent bon maintenant on va attaquer avec les vélos. Tout le monde sur les motos, on les suit. Genre ah ça y est maintenant ils vous obéissent quoi. Alors qu'au début ils étaient hyper dangereux là. Ce qui est bizarre aussi c'est que la tata au début elle s'occupait pas du tout des mots, mais maintenant avec elle veut les protéger, bah, elle les emmène au plus près de l'action, c'est-à-dire qu'elle va les foutre dans une camionnette pour poursuivre des T-Rex, tu vois. C'est-à-dire c'est l'endroit où faut vraiment pas être. Et suivre toute l'action avec un iPad. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs là c'est un peu l'ambiance film d'horreur là quand elle suit. Ouais. En infrarouge et tout le monde se fait zigouiller. Il y a aussi une question, c'est comment tu fais une moto à fond les manettes dans la jungle de nuit. Tu te boites direct sur une branche, tu vois. C'est un peu la même question qu'avec les cages hamsters, enfin les boules hamsters. Indiana Jones, il sait faire ça, je crois. Peut-être qu'il est. Ah oui, oui, ah bah ça, c'est hommage à la. Ça doit être la même jungle que dans Indiana Jones, quoi. Ouais, mais là, en l'autoroute. C'est en plus, il a pas du tout une Yamaha X-Trail, tu vois. Il a une espèce de triomphe de. Ouais, genre une vraie triomphe bien vitesse. D'ailleurs, il est en moto, il y a Omar Sy qui est en moto derrière aussi. Qui a Clusé en fauteuil. Et là, c'est assez drôle parce que les vélociraptors tombent nez à nez avec le méchant, le turbo-dino OGM. Ouais. Et là, en fait, ils les bouffent pas, il y a pas de bail de combat. Ils communiquent. Et ils communiquent, du coup, ils font « Ah, mais il doit aussi avoir de l'ADN, de machin. » On n'y a pas pensé, il avait déjà quasiment tout, mais j'y ai pas pensé à ça. Et du coup, ils partent avec le méchant dino. Et là, il a une réaction super bizarre. Il fait « Bon, bah, c'est lui le nouveau maître. Hein. » Bah, en fait, ça va être la merde là. Ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, enfin, du coup, à chaque fois que t'envoies un animal dont il a un peu des gènes, ils peuvent pas l'attaquer, quoi. Donc tu peux envoyer que des perruches. Quoi. Ça va être long hein, pour le tuer. Non, mais regarde le T-Rex à la fin, parce qu'on va spoiler. Hein, il se fait bouffer par un T-Rex. Il lâche le T-Rex pour le tuer. Mais il a des gènes de T-Rex. Il ressemble à un T-Rex. Ouais, mais c'est. Oui, non, non, T-Rex, c'est un chasseur. C'est un chasseur. C'est un chasseur. Lui, il domine. Ouais. Ensuite, il va y avoir une course poursuite. Et ça m'a fait assez marrer. C'est-à-dire que la meuf s'enfuit en camtar. Et il y a les vélociraptors qui poursuivent le camion, mais tu sais, genre, on dirait qu'ils sont en moto, on dirait une poursuite de Fast and Furious. En fait, on dirait, parce que genre, limite, ils tapent contre le truc et tout. Ouais. Surtout, on dirait Mario Kart, parce qu'ils envoient les trucs pour les faire tomber, c'est limite, ils envoient pas les pots de banane. Après ça, ils arrivent dans les labos. Ouais. Bah là, il y a une scène mémorable. Là, il y a une Alien 4, hein, quand même, tu vois. On arrive dans les labos et. Oh, mais c'est ça qu'ils faisaient, ils faisaient des expériences sur les dinosaures. Bah oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et là, il y a le méchant qui est là. C'est vraiment. Oui, c'est on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi lui il est revenu. Et il y a un vélociraptor qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait, le vélociraptor? Non, mais c'est incroyable, quoi. Il parle, quoi. Vous avez vu quand il communique? C'est à ce moment-là qu'il communique entre eux, les vélociraptors. Les vélociraptors, oui. Ils parlent entre eux, ils font. Les entrées, ils font pas. C'est pour illustrer la communication animale. Faut que les mecs, ils se regardent et qu'ils fassent des bruits, quoi. C'est des dinosaures, quoi. Enfin, c'était complètement nu. Et après, ils parlent au T-Rex, il fait. C'est complètement con. Ils font des checks et tout. Et après, mais c'est encore pire, le vélociraptor va parler à son maître. Il se retourne, il fait. T'inquiète pas, je vais. T'inquiète pas, je te protège. Et genre, il y a le eye contact, oui. Là, hyper profond et c'est, tout. C'est limite s'il dessine pas un plan au sol, tu. Et là, un moment, tu vois, le méchant, il est là avec les gentils dans le laboratoire. Tu sens que c'est la scène finale. Et le méchant, il fait ah ah ah, c'était moi le méchant, ah ah ah. Et là, il y a un vélociraptor qui arrive. Et là, il le bouffe lui. Ouais. Bah, pourquoi lui? Enfin, tu vois, il peut manger les autres. Oui, c'est vrai, il peut manger les autres. L'autre, ouais. C'est son maître, c'est son copain. Ouais, c'est mais attends, parce que juste après, il y a une scène où ils vont s'enfuir et ils vont se retrouver tous les quatre humains, c'est-à-dire le héros, la gonzesse et les deux enfants, avec les trois vélociraptors qui sont devenus méchants parce qu'ils ont touché le grand méchant. Ouais. Et là, il a son fusil dans les mains et il fait. Ok, c'est chaud, c'est chaud. Et là, il pose le fusil à terre en mode, ouais. Vous avez vu, je suis pacifique. Qu'est-ce que c'est qu'un fusil, connard? Tu sais, c'est limite, il fait pas. Regardez, c'est mon portefeuille. Là, tu vois, j'ai posé $20 par terre. Là, voilà, je te les donne. Ils sont à regardez, toi. Regardez, c'est ma carte des Marines. Je suis un Marines. Okay, ne vous inquiétez pas. Ma déclaration d'impôt, je paye mes impôts. Ça, c'est une photo de ma femme, tu vois, ok. Et là, après ça, c'est la scène de fin, c'est les T-Rex et tous les autres dinosaures main dans la main pour se battre contre le super méchant dino, quoi. Ça n'a aucun sens. Et on le sentait pas du tout venir qu'il allait se faire bouffer par l'énorme bois Sky, là, qu'on a vu 9 fois pour manger des trucs. Là. Oh non, moi je m'y attendais pas. Moi je m'y attendais pas. Quand je l'ai vu au milieu, j'ai fait un truc tellement gros, c'est sûr que c'est lui qui va manger l'autre, quoi. C'est le seul qui est capable de le tuer. Moi ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais vue, ce qui se passe dans le. Sauver Willy qui s'appelle Battle at Kruger. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est genre une antilope qui se fait bouffer par un lion, et après il y a un crocodile qui arrive. Tu sais, c'est un espèce de truc dans un parc sud-africain, et tous les animaux qui se bouffent entre eux. C'était vraiment ça, quoi. Et à la fin, ça a dû inspirer. À la fin, tu sais, genre une fois que la créature est morte, le vélociraptor et le T-Rex ils se regardent et ils font. On n'aurait jamais dû se battre jusqu'ici, quoi. Et ils repartent main dans la main, tu sais, genre limite il y a pas un soleil couchant, ils sont sur des chevaux, quoi. Tu vois, ça n'a aucun sens. J'ai détesté, c'est un film de merde. C'est un vrai film de merde. Moi j'ai été tellement conditionné. Je suis trop un peu remonté. J'ai tellement été conditionné par le discours qui consistait à dire que c'était vraiment de la merde que du coup ça m'a un petit peu surpris. J'ai pas passé un si mauvais moment. En fait. Moi j'ai appelé mes neveux pour connaître leur âge parce que je le savais pas et du coup ça m'a fait dire que j'avais pas de valeur. Avec ma famille. Non, moi j'ai juste trouvé ça inutile, hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Perdre de temps, quoi. Et deux heures de perdu. Vraiment affligeant, comme j'ai dit. Affligeant, hein. Ouais, c'est le bon mot. Mais là, c'est même pas. Là, c'est deux heures de douleur, quoi. C'était vraiment. C'était dur à regarder jusqu'à la fin, je suis d'accord. Mais. Et toi ? Mais je suis pas sûr qu'il soit pire que le 2 et le 3, en fait. Enfin, j'ai pas de souvenir du 2. Le 3, je l'ai pas vu, mais. Mais il est vraiment, celui-là, tellement caricatural, quoi. Chaque personnage, il y a rien qui est naturel. Ouais, exactement. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, pour cette dernière de 2 heures de perdu, cette dernière session commentaire 5 étoiles, j'en ai sélectionné 6. Ouais, c'est la fête. Je suis content qu'il y ait déjà 6 connards alors que le film est sorti. Ouais, il y a pas mal de commentaires 5 étoiles. Hein. Ah. Ah ouais, il y en a déjà pas mal. Alors, pas que Allociné par contre, puisque le DVD n'étant pas sorti, évidemment, il n'y a pas de commentaire Amazon. On a Tether54 qui nous dit... Alors c'est marrant parce que beaucoup font des références au premier Jurassic Park et lui dit « Film très sympa, je trouve qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil au dehors de la mer. » Ouais, dans le sens où il y a un poisson au milieu du film. On a Bebop 59. Bebop. L'année 2015 est remplie de suites, de nombreuses franchises. En outre, Jurassic World est le quatrième opus de la trilogie Jurassic Park. Ah bon ? Le film. Le quatrième opus de la trilogie. Ok. Merci. Et il finit par le film mélange à merveille le style waouh et le style oh mon dieu. Deux styles totalement opposés pourtant. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement rare de voir ça au cinéma. Quelle trempe. Alors, on a Bart 18240 qui nous dit ce film est très impressionnant et émouvant pour les fans de Jurassic Park. Plongés dans l'aventure, on panique pour eux à certains moments. L'idée d'un parc achevé et ouvert au public est géniale. Seul bémol de point, j'aurais aimé savoir si le parc a fermé et si certains se sont fait virer. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Alors là, 69 Greg qui nous a... Cool, c'est un Lyonnais. Ce quatrième volet donne une nouvelle fraîcheur à la saga. Bien qu'il y ait beaucoup de références à Jurassic Park, je trouve que c'est une bonne chose. Mais le thème ici présenté est surtout celui du pouvoir génétique. En effet, dans le film, l'homme veut toujours plus alors que ce n'est pas nécessaire. Au final, meilleur que le premier ou pas meilleur, le premier volet restera the best, car c'est le premier volet, même si le quatrième volet est digne du premier volet, très bien réussi, malgré qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le premier volet. Jason Diaz, avant-dernier commentaire, qui nous dit « Bref, le film est incroyable. J'ai dû sursauter une dizaine de fois devant le film. Les dinosaures sont géniaux. Et l'Indominus Rex est juste monstrueux dans le rôle du méchant. » C'est vrai ? Non, faut avouer qu'il joue bien. Ah, il joue bien. Faut avouer qu'il joue bien. À la fin, là, quand il déclenche la bombe, moi j'ai... Et enfin, on a Sideswipe qui nous dit « Film énorme. Histoire sympa. Projet d'un hybride aussi. Même si moi, personnellement, hein, comme super prédateur, j'aurais fusionné l'ADN du Spinosaurus. Il peut aussi bien se déplacer sur Terre que dans l'eau, comme on peut le voir dans Jurassic Park 3. Coucou, avec celui... je vis seul et chez ma mère. Avec celui du Vélociraptor, tout en gardant la capacité de camouflage et la version thermique de l'Indominus. Et là, ce serait le tueur ultime. Et à part ça, c'est un film à voir absolument. 5 étoiles. Putain, lui, il est seul, ça c'est sûr. C'était voilà, c'était notre avis sur ce film. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison. Le dernier épisode de la saison. Merci, on se retrouve à la rentrée. D'avoir suivi. On se retrouve à la rentrée pour plein de surprises parce qu'on va pas tirer de film au chapeau. Ouais, et il y aura des nouveautés et surtout, on ne connaît pas exactement la date précise du premier épisode de la prochaine saison, mais vous pouvez vous suivre sur Twitter et Facebook et ce sera annoncé à l'avance évidemment. Voilà. @2_HTP. Je mettrai quelques commentaires d'ici là, quelques commentaires Jurassic Park que je n'ai pas dit ce soir sur le Twitter. Voilà. Et c'est tout. Ah oui, si vous voulez mettre des films dans le chapeau, c'est oui, un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom du film. Ah, et puis pour cet été, on a le maillot de bain 2 heures de perdu. Ça, on peut l'acheter directement en ligne. Et je revends des places pour Auxerre Châteauroux à la rentrée. Contactez-moi aussi. Voilà. Et bien. À la prochaine fois. À septembre. Allez, à bientôt. Allez, ciao.